Chapitre 27e. L'angoisse de Clafou. Tout en servant des verres petits et grands, tout en versant des alcools aussi forts et aussi variés que possible, Clafou guettait ses clients. Ce n'était pas dans la crainte de les voir partir sans payer, mais dans l'espoir que parmi eux, le hasard, ce bienfaiteur des policiers, la chance, enfin, lui enverrait un homme de la brigade de Paulin Broquet. Son espoir fut vain. Clafou dut se tenir à son poste, et la mort dans l'âme, laisser passer un temps précieux et perdre de plus en plus le moyen de porter secours utilement à son chef. D'ailleurs, comment le secourir? Même ayant pu prévenir sa brigade, de quelle façon serait-on arrivé jusqu'à Paulin Broquet? Et dès maintenant, ne pouvait-on croire qu'il était déjà trop tard, que tout était fini, et que ceux qui arriveraient jusqu'au chef ne trouveraient que son cadavre? Clafou, cependant, n'y tenant plus, pensa qu'il était de son devoir, dût-il même risquer de découvrir sa personnalité vraie, ses attaches, ruiner son établissement, encourir la vengeance des bandits si longtemps dupés par lui. Clafou pensa qu'à tout prix, il devait prévenir les hommes de Paulin Broquet. Il se décidait enfin à fermer son établissement quand un groupe de clients entra aux Enfants de l'Aveyron. Ses clients, Clafou les connaissait de longue date. Tout à l'heure même, ils étaient chez lui. Tout à l'heure, pendant le bal, pendant qu'Augustin et Gustave prenaient avec lui un petit verre de vieux marc de l'Aveyron. Puis ses clients étaient partis au moment où lui, Clafou, allait retrouver le chef dans la petite chambre triangulaire et lui donnait des indications sur la barbotière, sur la bande des aides. Maintenant, ses clients étaient de retour. Ils manifestaient une joie, une gaieté extraordinaire, comme s'ils venaient de réussir un bon coup. Bruyamment, tapant du poing sur les tables, ils commandèrent à boire. Clafou, anxieux, ayant le pressentiment de la raison de leur gaieté, vint lui-même prendre leur commande. « Vous allez boire avec nous, Clafou !» lui crièrent-ils. « Volontiers, mais vous me paraissez bien joyeux. Y a de quoi l'être, une bonne affaire, je te crois, et le moyen d'en faire d'autres tranquillement. » Et comme le garçon avait apporté les consommations, les clients de Clafou choquèrent leur verre, disant « Zà la tienne, zà la vôtre !» Éclatant de rire, ils s'écrirent ensemble « Zà la sienne !» Clafou sentit un froid en lui. Ses craintes se confirmaient. Cependant, désireux de savoir, il demanda, en riant aussi, « À la chanter de qui ?» Les rires partirent de plus belle. « On te le dira plus tard, mon vieux Clafou. Ça me dégueule, » dit Clafou. L'un des hommes dit aux autres, « Il vaut mieux boire ici qu'à la barbotière. » Les amis s'esclaffèrent à cette plaisanterie. « Oui, c'est moins saumâtre. On en avale peut-être moins à la fois, mais on peut y revenir. » Alors encore un coup à sa santé. Et Clafou, qui avait plutôt envie de pleurer car maintenant il était certain du malheur arrivé à son chef, Clafou, qui se maîtrisait par un effort violent pour ne pas sauter au cou de ses bandits, pour ne pas les étrangler et venger Paulin Broquet, Clafou, en riant comme les autres, s'écria, choquant son verre à celui des misérables, « Alors, encore à chachanter !» Maintenant il n'avait pas besoin d'interroger quelqu'un, il savait à quoi s'en tenir. Il connaissait le sort de Paulin Broquet, mais il avait tenu son rôle parfaitement, malgré sa profonde douleur. Il revint à son comptoir, vit encore rentrer chez lui d'autres clients qui manifestaient tous la même joie. Cette joie signifiait « Nous avons exécuté Paulin Broquet ». Clafou dit alors à son garçon « Tu fermes la boutique, je vais me coucher. » Il sortira. Le départ du patron n'avait rien d'extraordinaire. Il lui arrivait, oh, très rarement, de s'absenter ainsi vers le matin. Son garçon le remplaçait alors, et ayant l'espoir de lui succéder un jour, s'arrangeait pour qu'on ne s'aperçût pas de l'absence du patron. Clafou aurait bien voulu avoir pour employé un homme comme lui attaché au service de Paulin Broquet, mais le chef l'en dissuada. Il valait mieux, pour plus de garantie, que son garçon, que ses aides, fussent vraiment du métier, et rien que du métier. Quand Clafou avait quelque chose à porter à la connaissance du chef, il trouvait toujours moyen de le faire sans y mêler son personnel. Il fallait que ce fût, comme ce soir, un cas spécial, pour qu'il se trouvât dans ce grand embarras. Alors Clafou paya de sa personne. Peu après, par une porte dérobée, Clafou sortait de chez lui sans qu'aucun de ses clients habituels, même le connaissant le mieux, pût non seulement l'apercevoir, mais le reconnaître en chemin, au hasard de la rencontre, si elle se produisait. Le tenancier des Enfants de l'Aveyron était méconnaissable. Il s'était métamorphosé. Clafou s'était bien gardé d'endosser un costume rare qui pouvait soulever l'admiration. Certes, Clafou n'affichait pas la prétention de rivaliser de prestance, d'élégance, de chic, avec le si décoratif baron Dupont. Tout bonnement, Clafou avait revêtu un uniforme de sergent de ville. Il s'était uniquement contenté d'ajouter à son menton une barbe. Ainsi, gros, carré, massif dans sa tunique que son ventre faisait craquer aux boutonnières, il avait l'air d'un de ces bons sergots parisiens qui se promènent lentement dans les rues de la capitale. Braves gens paisibles, terreur des marchands à voiture à bras, mais qui ne veulent de mal à personne et sont désolés quand ils ne peuvent faire autrement et doivent arrêter un malfaiteur. Mais une fois dans la rue, sous son uniforme de sergent de ville, Clafou n'était pas plus avancé. Où aller? Que faire? Il se gratta le crâne pour en faire jaillir une idée, mais Clafou ne trouva rien. Tout en se grattant ainsi, tout en cherchant, Clafou, pour ne pas rester en place, indécis, ridiculement, s'était remis à marcher. Machinalement, il s'était engagé sur le boulevard Rochechouart. Clafou, pendant qu'il s'habillait tout à l'heure chez lui, songeait à se rendre au domicile de Gabriel, de Lamorce, de Simon même, tout voisin, rue Roudier. Mais il se dit avec raison que le chef étant en campagne, les lieutenants ne devaient pas être chez eux. Alors, où aller maintenant? Bon, pensa-t-il, une fois dehors, je trouverai bien. Dehors, à présent, il ne trouvait rien. Cependant, il fallait à toute force et le plus tôt possible savoir exactement non seulement ce qu'on avait fait de Paulin Broquet, mais encore où on le détenait, où en somme on l'avait jeté, connaître enfin le moyen le plus sûr d'arriver à lui le plus promptement possible. Savoir que la scène redoutée s'était déroulée à la Barbotière ne suffisait pas. La Barbotière, mystérieuse, au sous-sol inconnu, truquée, ne livrerait pas son secret alors même que pour parvenir à ses galeries, on fouillerait tous les immeubles de l'impasse de Guelma. Il fallait de toute nécessité qu'un des affiliés, qu'un de ceux qui avaient assisté à la tragique réunion, donnât non seulement le mot de passe, mais les indications précises pour permettre d'arriver jusqu'au réduit, à la prison, à l'égout, où Clafou avec terreur pensait qu'on détenait Paulin Broquet. Car malgré les airs joyeux des bandits chez lui, il ne pouvait admettre qu'ils eussent poussé l'audace jusqu'à mettre à mort le détective. Il s'imaginait qu'au contraire, les aides, s'étant rendus maîtres de Paulin Broquet, ne commettrait pas la maladresse de le tuer, mais le garderait comme otage pour obtenir en échange une grâce, une liberté, un acquittement. Clafou ne voulait pas se ranger à l'idée épouvantable de la mort de son chef. Mais comment savoir? Comment arriver à lui? Comment le sauver s'il en était temps encore? Il n'y avait qu'un moyen, faire parler un des bandits. Oui, voilà ce qu'il fallait, ce qui était indispensable, ce à quoi on devait arriver à tout prix. Mais comment faire parler un homme de Zigomar? Clafou avait fini depuis un moment de se gratter le crâne, l'idée n'était pas venue. Il allait tête baissée, sombre, ronchonnant, furieux, quand tout à coup, à peu près à la hauteur de la rue des Martyrs, il se heurta à deux hommes qui venaient en sens contraire. Dans sa préoccupation, Clafou ne les avait pas aperçus. « Bah quoi ? » s'écria l'un des hommes. « Qu'est-ce qu'il a le flic ?» Le boulevard était désert. Ces gentlemen se croyaient chez eux et se tenaient pour certains de l'impunité. L'occasion était belle. Quelle joie de se venger sans risque de la police en cognant sur un agent égaré. Celui des deux hommes que Clafou, par mégarde, avait légèrement heurté, lui rendit fortement la bourrade. L'autre accentua aussitôt d'un violent coup de poing qu'il souligna d'une ignoble injure. Mais frapper sur Clafou produisait autant d'effet que cogner sur un mur. Il ne sentait rien et qui tapait se faisait mal. Toutefois, ce coup, cette bousculade, produisirent cet effet de rappeler aussitôt Clafou à la réalité des choses. Il releva la tête, regarda ses agresseurs qui s'apprêtaient à recommencer, et il les reconnut. Aussitôt l'idée tant cherchée en se grattant le crâne germa sous ses coups de poing, ce qui prouve qu'il y a mille façons à soupçonner de fouetter l'imagination. C'était le moyen, le bon moyen qui s'offrait. Prompt comme l'éclair, Clafou lança à l'un des deux hommes un si beau coup de poing en pleine figure qu'il l'envoya rouler à terre, tout couvert de sang, évanoui, comme mort, peut-être bien réellement assommé. Quant à l'autre, il avait sorti son couteau et s'apprêtait à venger son camarade, mais Clafou, sans perdre une seconde, lui allongea un coup de savate sur le tibia, qui lui endommagea terriblement la jambe gauche. L'homme poussa un hurlement de douleur, hurlement qui cessa aussitôt, car Clafou lui donna au creux de l'estomac un tel coup qu'il lui coupa net la respiration. L'homme tomba. Clafou ramassa son couteau comme pièce à conviction, le mit précieusement dans sa poche. Il alla fouiller dans les habits de celui qui gisait sur le trottoir, y prit un revolver, un couteau, des clés, un poignard et quelques papiers. Puis, revenant à son second adversaire, il le releva, le souleva de terre, et comme on fait d'un homme ivre, l'emporta jusqu'au commissariat tout voisin de la rue de la Tour d'Auvergne. Il dit, en arrivant au commissariat avec son homme, rapidement quelques mots au brigadier de garde, et dans le bureau même du commissaire, il étendit à terre, sur le tapis, le prisonnier qui semblait sur le point de rendre l'âme. Le brigadier aussitôt dépêcha un agent chez le commissaire, le chargeant de l'éveiller, de le ramener au bureau, puis il apporta à Clafou la boîte de secours du commissariat et s'apprêta à seconder le tenancier des enfants de l'Aveyron dans les soins qu'il allait donner à son homme. « Il faut qu'il revienne à lui tout de suite, » dit Clafou. « Il faut qu'il se rattrape le plus tôt possible et qu'il soit en mesure de parler quand le commissaire sera là. » Donc, Clafou et le brigadier de garde s'empressèrent d'appliquer au prisonnier un énergique traitement. Après avoir défait ses habits, ils se mirent à le frictionner, à le masser consciencieusement, au risque de lui arracher la peau, de lui enfoncer les côtes. De temps en temps, par force, ils lui ingurgitaient un cordial de leur composition qui pouvait aller de pair avec leur massage. C'était un mélange d'alcool, d'arnica, d'eau de mélisse, d'éther, de caféine, qu'à grande cuillerée lui enfonçait dans le gosier. À pareil traitement, sans compter les frictions d'ammoniac aux tempes, il n'est pas d'évanouissement qui puisse résister. En effet, le gentleman ne tarda pas à recouvrer ses esprits.